L'association d'amitié Grande-Bretagne-Corée a présenté dans son page d'internet un écrit titré « Puissance de la jeunesse, célèbre dans le monde » à l'occasion de la journée des jeunes coréens. Il y a indiqué que la Corée est le seul pays où les jeunes sont maîtres de l'époque parmi d'innombrables pays du monde. Il a déclaré que la Corée est la seule puissance mondiale de la jeunesse que de nombreux pays et nations n'ont pu parvenir malgré leurs vœux.